l'allégeance faite aux fleurs, les parfums se volatilisent, la captation est éminente, harmonia mundi, la pollution est aussi psychologique. Chaque homme est un parfum, et le parfum prend parfois son envol, que le subtil peut ressentir à la vibration de l'harmonie cosmique. Rupture, séparation, l'ego cisaille le lien. Dans les lettres du vent, il est écrit d'aimer autrement. Et le média s'éternise à la même source d'information. L'état du monde est chaotique et l'Occident a son ferment au Proche-Orient. Nirvana pour le bouddhiste, rire du dragon dans le Tao pour le taoïste. Négro spirituel pour le protestant, chandi divin pour le catholique, humanité pour l'homme athée. L'ordre est à l'unité dans le désordre des divisions historiques à la marge de l'histoire. De l'allégeance faite aux fleurs, les parfums se volatilisent, prennent leur envol et je m'accorde une respiration que je partage pour ralentir le rythme de ma patrie cardiaque.